بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد. Donc on va continuer inchallah sur l'étude du livre Al-Qawa'id Al-Muthla concernant les noms d'Allah et ses attributs Jalla Jalalu. Et donc on est toujours sur l'étude de la sixième règle concernant les attributs d'Allah. La sixième règle concernant les attributs d'Allah. Et l'auteur, dans cette règle, nous enseigne que lors de l'affirmation des attributs, il faut les affirmer en renonçant à deux choses, en renonçant à deux interdits, qu'il nomme At-Tamthil wa At-Takyif. At-Tamthil wa At-Takyif. Et donc, on a parlé dans les assises précédentes du terme At-Tamthil et avec l'explication de cela de l'auteur même, et on avait commencé l'explication du deuxième interdit dont il faut renoncer lorsqu'on affirme les attributs d'Allah, At-Takyif. At-Takyif. Donc on va continuer. Aujourd'hui on va beaucoup s'appuyer sur le commentaire de l'auteur lui-même, Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen. Donc on continue de lire le texte en lui-même, l'énoncé du texte en lui-même, mais certains passages dans cette règle sont tellement importants, donc on va faire des arrêts sur l'explication de l'auteur lui-même concernant ces passages, puisque l'auteur ici fait allusion à des questions immensément importantes concernant l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal et la croyance aux attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc on s'est arrêté lorsque l'auteur nous confirme que lors de l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut renoncer à deux choses, At-Tamthil wa At-Takyif. Et il dit, cela est indiqué aussi bien par les preuves scripturaires, les preuves c'est-à-dire textuelles, dans le Coran, que par les preuves rationnelles, les preuves liées à la raison, Al-Aql. Et donc, en ce qui concerne le premier terme, At-Tamthil, il nous a évoqué des preuves textuelles dans le Coran. En l'occurrence, il a mentionné deux versets qu'on a étudiés les assises précédentes. Et il a mentionné des arguments rationnels liés à la raison qui indiquent le fait de renoncer au Tamthil. Ensuite, de la même manière, ce qu'on va apprendre concernant At-Takyif, le terme At-Takyif, il nous mentionne les preuves textuelle et ensuite des preuves rationnelles qu'il faille renoncer à ce qu'on appelle At-Takyif. On a dit At-Takyif, c'est le fait de chercher le comment de l'attribut, le fait de penser connaître le comment de l'attribut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل أو بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. وأما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما ذكرنا. ثم قال المصنف ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. Ça, c'est en ce qui concerne la première partie qu'on avait lue la fois dernière, à titre de révision, donc concernant les preuves textuelles. Donc là aussi, l'auteur nous a mentionné deux versets concernant At-Takif. On a appris deux versets. Concernant At-Tamthil, plutôt, il avait mentionné, en ce qui concerne les preuves scripturales et textuelles, il avait mentionné trois versets. Il avait mentionné même quatre versets. Quatre versets concernant les preuves textuelles. Et là, concernant At-Takif, il nous mentionne deux versets. Bien sûr, il y a d'autres preuves, mais l'auteur résume. Ensuite, nous, on a étudié ces deux versets. Le premier verset, verset 110 de la sourate Taha, qu'il a mentionné, « Wa la yuhituna bihi ilma » et le verset 36 de la sourate Al-Isra, le verset « Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm » Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula. Kullu ula'ika kana anhu mas'oula. Le verset. Ensuite, l'auteur a commencé à évoquer des arguments rationnels qui indiquent et qui prouvent le fait de délaisser At-Takif, le fait de chercher Al-Kayfiyya. Et dans les arguments rationnels, et on s'était quitté la fois dernière sur cela. Donc on va continuer, concentrez-vous bien, et on va beaucoup s'appuyer aujourd'hui sur le commentaire, les explications de l'auteur lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. قال وأما العقل donc là on évoque des arguments rationnels liés à la raison humaine que même la raison humaine conçoit cela c'est-à-dire qu'il faille renoncer au takif dans de l'affirmation des attributs d'Allah azza wa jalla فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته regardez et ça on avait dit que c'est une règle et la fois dernière on a fait allusion à cette règle très importante. C'est le fait de prétendre ne pas connaître le comment est lié au fait qu'on n'a pas la connaissance du comment de l'être lui-même. De l'être lui-même. Car la règle dit le fait de parler des attributs, c'est comme si on parle de l'être lui-même. That. That. C'est pour ça que les savants disent dans la règle Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dhat. Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dhat. Lorsqu'on parle des attributs, c'est comme lorsqu'on parle de l'être, de l'entité, de l'essence même du Créateur subhanahu wa ta'ala. Si on ne connaît pas le comment de son être, donc on ne peut pas connaître le comment de ses attributs. Pourquoi ? Parce que comme on va le prendre et l'auteur va le mentionner, et ça, c'est une règle très importante. Lorsqu'on parle des attributs divins, du Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est comme si qu'on parle de son être. C'est comme si qu'on parle de son être. That. Or, si on ne connaît pas le comment de son être, on ne connaît pas le comment de that, kayfiyat that, donc on ne peut pas prétendre connaître le comment des attributs. Et ça, la raison humaine le conçoit. Regardez ce que l'auteur va dire. Ça, c'est très important. أَوِ الْعِلْمِ بِنَذِيرِهِ الْمُسَاوِ لَهُ أَوْ بِالْخَبَرِ الصَّادِقِ عَنْ وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُوقِ مُنْتَفِيَةٌ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ فَوَجَبَ بُطْلَانُ تَكْيِفِهَا Regardez l'auteur ensuite, qu'est-ce qu'il dit en d'autres termes. Comme on l'avait mentionné la fois dernière, l'auteur ensuite dit, alors, parmi les arguments rationnels, il y a le fait qu'on ne peut connaître le comment des attributs qu'à travers la connaissance de l'être lui-même, ou la connaissance de son égal. La connaissance, par exemple, d'un semblable. Lorsqu'on connaît un semblable, ensuite, on peut s'imaginer le comment. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. Donc si, par exemple, lorsque on décrit une chose et cette chose est un semblable, on peut s'imaginer le comment en parce qu'on a la connaissance de son semblable, de quelque chose qui est égal. Sauf qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable et n'a pas d'égal. Donc on ne peut pas savoir le comment de son être, à plus forte raison de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Ou bien par le biais d'une information véridique. Ici, Cheikh, l'auteur, nous enseigne que pour connaître le comment, alors il faut connaître, par exemple, l'être lui-même, ou bien connaître un semblable, un égal, ou bien avoir eu l'information par le biais de l'information d'un véridique, par exemple. Mais toutes ces voies qu'on vient de citer, connaître l'être, connaître un semblable, un égal, ou bien par le biais de l'information d'un être véridique, quelqu'un de véridique, nous informer au sujet du comment. Toutes ces voies-là, par lesquelles on peut avoir la connaissance du comment de quelque chose, de le kayfiya d'une chose, toutes ces voies-là, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, sont à exclure. Pourquoi ? Parce qu'il y a impossibilité au sujet du Créateur, au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il s'ensuit la fausseté. Donc à ce moment-là, il n'est pas possible de pouvoir évaluer el-kayfiyya, de pouvoir connaître le comment de l'attribut. Il n'est pas possible. Ensuite, et donc ça c'est ce qu'on avait bien explicité la fois dernière. C'est pour ça que, regardez, ça c'est une règle. C'est pour ça que l'auteur dans l'explication il dit « Even, donc, هذه القاعدة مهمة وهي أن الشيء لا تعرف كيفية صفته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. » Il dit donc cette règle est très importante. Lui-même il dit que c'est une règle. Il dit qu'une chose, on ne peut connaître le comment de ses attributs qu'après avoir la connaissance du comment de l'être. Ou bien en connaissant un égal ou un semblable, quelque chose de semblable. Ou bien avoir eu l'information d'un être véridique. Mais toutes ces voies sont impossibles au sujet d'Allah. Muntafiyatun indi fi sifatillahi fi sifatillah. Par exemple, maintenant, Cheikh il nous dit dans le commentaire, exemple. Iza qulta inna lillahi sam'an. Lorsqu'on dit, tu dis par exemple, Allah Azza wa Jal détient l'attribut de as-sam'a. Fa innahu sami'a. Allah est l'audient. Donc, à lui appartient l'attribut de l'audience, en une traduction relative. As-sam'a. Sifat as-sam'a. On appelle ça l'attribut de as-sam'a. Allah est celui qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Et détient sifat as-sam' li'annahu was-sami' was-sami' fait partie des noms divins de l'asma al-husna, des noms parfaits. Lorsque donc on dit qu'Allah Azza wa Jal détient l'attribut de as-sam' fa'innaka la tastati' an tukayyifa hadha as-sam', l'auteur nous dit toi tu ne peux pas connaître le comment de ce sam'. Allah est l'audient et détient l'attribut de l'audient, une traduction relative. Mais le comment de cet attribut, as-sam', l'audience, on ne peut pas savoir. Pourquoi ? لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِعْ أَنْ تَعْرِفَ كَيْفِيَ ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كَيْفِيَةَ ذَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْرِفَ. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas la connaissance du comment de l'être. Comment ? Il dit de l'être. D'Allah عَزَّ وَجَلْ. Tu ne connais pas ذَاتِ, ذَاتُ اللَّهِ. Tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas connaître le comment de son attribut. فَكَذَلِكَ كَيْفِيَةُ سَمْعِهِ. Donc, de ce fait, si tu n'as pas la connaissance sur le comment de l'être, alors, tu ne peux pas avoir la connaissance du comment de l'attribut. Et le fait de dire l'être, النفس, sont traduits par النفس, c'est confirmé dans le Coran. Cela pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'interdit en cela. Qala, هل لله عز وجل نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره. Là, Cheikh pose une question en disant, et est-ce que Allah عز وجل a un semblable ? Non. est-ce qu'Allah aurait un semblable pour pouvoir connaître le comment de son sema? Si, par exemple, il avait un semblable, alors le fait d'avoir la connaissance du semblable, on peut s'imaginer le comment, puisqu'il a un semblable. Le sema serait comme le sema du semblable. Mais Allah n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. Donc, on ne peut pas avoir la connaissance du comment de ce sema, puisqu'Allah Azza wa Jal, il est unique, seul. Et le seul détenteur de ses attributs les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, c'est pour ça qu'il nous dit, là, donc, il n'a pas de semblable. Hal akhbarana ar-rasul bidhalik. Est-ce que maintenant, par exemple, le messager d'Allah nous a informé au sujet du comment de l'attribut? Est-ce que le prophète nous a informé au sujet du comment de l'attribut? Donc on n'a ni l'information d'un être véridique. Donc comment connaître le comment? Pour connaître le comment, il faut, Cheikh il dit, regardez l'auteur dit, il faut connaître l'entité, l'être lui-même, le comment de l'être. On ne le connaît pas, le comment, al-kayfiyya, kayfiyyat al-zat. Ou bien connaître un semblable. Mais on ne connaît pas de semblable. Ou bien avoir eu l'information sur le comment d'un être véridique. Mais le plus véridique, le messager d'Allah, nous a pas informé au sujet du comment. Donc, on ne peut pas, à ce moment-là, connaître le comment de l'attribut. Vous avez vu, ça, c'est la première partie de l'argument rationnel qui fait qu'on ne peut pas spéculer, philosopher sur le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, cet argument rationnel, il est très important. Et le fait qu'Allah azza wa jal n'a pas de semblable, donc on ne peut pas savoir. Autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la chose, on ne la connaît pas, on ne l'a pas vue, mais autre qu'Allah azza wa jal, on peut savoir du fait qu'ils ont un semblable. Par exemple, et l'auteur donne même cet exemple. Par exemple, une personne se renseigne sur quelque chose, sur une maison. Et lui, pour avoir des renseignements sur la maison, on lui dit, ben, cette maison, c'est la même que celle-ci. Là, il peut s'imaginer le comment de cette maison, puisqu'on lui dit, c'est la même que celle-ci. Ou par exemple, lui, l'auteur va donner l'exemple de voiture, d'une voiture. On le dit, la voiture, par exemple, c'est tel et tel modèle de telle marque et tel modèle de telle marque. Donc là, on s'imagine, on connaît le comment de la voiture. À partir du moment qu'on nous dit le modèle, cette voiture-là, là, sont semblables. Il y a la même voiture. Donc on voit à peu près, on peut s'imaginer le comment et parler sur le comment. Ça, c'est pour les créatures ou pour ce qu'il y a sur Terre. Par contre, Allah Azza wa Jal n'a pas de semblable. Rien ne lui est comparable. Rien ne lui est égal. Donc si la personne ne connaît pas de semblable d'Allah, ne peut pas connaître le comment de l'attribut. Il ne peut pas développer, s'étendre, spéculer, philosopher sur le comment. Voilà ce que, dans cette première partie de l'argument rationnel, ce que nous enseigne l'auteur, et ça c'est très important. Mais regardez ce qu'il va dire ensuite. Il dit aussi, nous disons, il va donner un autre argument, en posant la question. L'autre argument, c'est une question qu'il va donner. Il va dire, أَيُّ كَيْفِيَّةِ تُقَدِّرُهَا لِصِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Littéralement, il pose une question. Il émet une question. Il dit, une question qui se pose, quelle évaluation donnes-tu aux attributs d'Allah Azza wa Jal? Quelle évaluation, donc je vous le traduis littéralement, quelle évaluation donnes-tu aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le sens de cette question, quelle est cette question? Comment peux-tu évaluer les attributs? En d'autres termes, plus simple, c'est ça la question que pose l'auteur et aimé l'auteur. comment peux-tu évaluer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, réponse, inna ayya kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zamu wa ajalu min dhalik. Il dit, quelle que soit l'évaluation que tu pourrais t'imaginer sur l'attribut divin, l'attribut d'Allah, Allah est plus grand, wa ajal, que ce que tu pourrais t'imaginer. Allah, il est a'zam, wa ajal, plus grand, subhanahu wa ta'ala, le glorifié, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, et quelle que soit l'évaluation, quelle que soit la manière dont tu essaies d'évaluer les attributs d'Allah, tu seras considéré menteur en cela. Car en fait, tu ne peux pas évaluer les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Comment veux-tu évaluer, déterminer les attributs d'Allah Azzawajal? C'est la traduction, lorsque je dis évaluer, déterminer, la traduction de tuqaddiruha at-taqdir. Et dit, si tu essayes d'évaluer les attributs d'Allah, en fait, fa'innaka satakunu kadhiban fiha. Tu seras en réalité menteur en cela. Pourquoi? Li'annahu la ilma laka bidhalik. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'en as aucune connaissance. Tu n'as aucune connaissance sur le comment de l'attribut. Donc comment veux-tu évaluer l'attribut divin, l'attribut d'Allah Azza wa Jal? Wa hina idhin yajibu al-kaffu 'an at-takyifi wa taqdiran bil janani wa aw taqriran bil lisan aw tahriran bil banan. Et donc il dit à ce moment-là, il incombe de s'abstenir, de rentrer dans toute forme de recherche du comment, de le kayfiyya, de s'abstenir de spéculer ou de s'imaginer le comment. Regardez ce qu'il va dire. Ou bien, taqdiran, d'évaluer, d'essayer de déterminer, d'évaluer l'attribut. Regardez ce qu'il va dire. Ou bien d'essayer d'évaluer par le cœur, la langue ou l'écrit. Je traduis l'explication. Sinon, c'est des termes plus littéraux que l'auteur a cité. Par exemple, je vous traduis par l'écrit Bilbanan. Le troisième, Bilbanan, c'est l'explication que je vous traduis par l'écrit. Sinon, ce n'est pas le terme littéral. Pas le terme littéral, on va voir dans l'explication. Là, on va revenir maintenant à l'explication de Sheikh pour bien comprendre ça, parce que c'est un point très important. Mithlu dhalik. Il nous donne un autre exemple. Il dit par exemple à l'istiwa, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est établi élevé au-dessus de son trône. Qala, hal yumkin an na'rifa kayfiyat istiwa'i? Kayfiyat istiwa'i. Allah nous a informé qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Est-ce que nous, on peut savoir comment Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône? Il pose la question. Il dit la réponse non. On ne peut pas savoir le comment. لِأَنَّنَا لَا نَعْرِفْ كَيْفِيَةَ ذَاتِهِ. Premièrement, parce que nous, on ne connaît pas le comment de l'être. Une traduction littérale. فَكَذَلِكَ كَيْفِيَةُ اسْتِوَاءِ. De même, le comment de الْاِسْتِوَاء. Maintenant, on peut rester sur le terme en arabe. صِفَةَ الْاِسْتِوَاء, la tribu de l'istiwa. On ne peut pas le connaître. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on lui connaît un semblable? Non. Donc, on ne connaît pas un semblable à Allah qui istawa, qui s'est élevé au-dessus de son trône. On ne connaît pas. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé? Ou d'abord, est-ce qu'Allah, azza wa jal, nous a informé au sujet du comment? Comment est-ce qu'il s'est levé? Non, il ne nous a pas informé au sujet de cela. Donc, on n'a pas la connaissance du comment. وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ الْعُلَمَا. C'est pour ça que certains savants ont dit, إِذَا قَالَ لَكَ الْجَهْمِيُّ. Si une personne partisane de la doctrine del Jahmiya, Al-Jahmiya, comme on l'avait cité et mentionné dans des assises précédentes, les négateurs aussi bien des noms et des attributs. Donc eux, ils nient catégoriquement les noms divins et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Certains savants ont dit, si un partisan de la doctrine jahmite, de la négation des attributs, te pose la question, Inna Allah astawa ala al-arsh, kayf astawa? Allah s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Comment s'est-il établi? Comment s'est-il élevé au-dessus de son trône? Et on verra après pourquoi on traduit souvent, il s'est élevé au-dessus de son trône, établi au-dessus de son trône. Pourquoi? Parce que le ma'na al-istiwa, on peut l'expliquer de ces manières-là. Al-istiwa, c'est ala wa rtafa'a wa sa'ada wa istaqar. C'est ces quatre sens-là que vous pouvez retrouver fi kutub salaf, dans les livres des salaf, comme on verra dans ce qui va suivre. Donc si un partisan de la doctrine jahmite te pose la question, comment Allah s'est-il élevé au-dessus de son trône? Alors ils disent, فَقُلْ لَهُ, dis-lui, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَخْبَرْنَا أَنَّهُ اسْتَوَى. Ils disent, réponds-lui, Allah nous a certes informé qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Istawa, il nous a informé du fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Mais il ne nous a pas informé au sujet du comment. Comment s'est-il élevé? Allah ne l'a pas dit dans le Coran. C'est pas dit. Il a قال لك وقال آخر. Et si un autre te dit, il a قال لك كيف استوى. Un autre te dit, mais comment s'est-il élevé au-dessus de son trône? فقل له كيف هو بذاته. Pose-lui toi la question. Comment est-il Allah? Comment est son être? Connais-tu son être? Comment est-ce qu'il est? Alors, c'est yaqulu laka la a'rifu kayfiyat dhatihi. Il te dira, moi je ne connais pas le comment de son être. Il te répondra, je ne connais pas le comment de son être. Faqul lahu, alors dis-lui donc, la na'rifu kayfiyat sifatihi. Si on ne connaît pas le comment de son être, alors on ne connaît pas le comment de l'attribut. Tout simplement, on ne connaît pas, s'il avoue ne pas connaître, et il avouera ne pas connaître le comment de l'être, alors on ne connaît pas, on ne peut pas connaître le comment de l'attribut. Pourquoi? Et là, regardez, dans l'explication, là, il va mentionner la règle qu'on a dit précédemment. لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَنِ الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ. Regardez cette règle. Pourquoi? Et ça, vous retrouvez ça dans l'explication des savants. Beaucoup des savants citent cette règle-là. Pourquoi? Parce que la parole concernant les attributs divins, c'est comme la parole concernant l'être. C'est comme la parole concernant l'être. Dans l'explication, Cheikh continue. Regardez ce qu'il dit. « وَمَهْمَا كَانَ هَذَا » ومهما كان وهذا إيراد مفحم نقول أي كيفية تقدر لصفات الله فمثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش فالله أعظم وأجل فلا يمكن أن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا الله والله أعظم من ذلك. En ce qui concerne l'évaluation, il revient sur, dans l'explication, on revient sur comment peut-on évaluer l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas possible. Par exemple, celui qui essaierait d'évaluer le comment de l'istiwa, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Allah est plus grand que ce que l'imagination peut s'imaginer. Laysa kamithlihi shay. L'imagination, la raison, elle est limitée. Notre conception des choses, elle est limitée. Subhanahu wa ta'ala. Donc, comment l'individu peut évaluer l'attribut d'Allah? Il ne peut pas. Il ne peut pas évaluer cela. Wa kadhalika naqul fi sifati nuzulihi ila as-sama'i ad-dunya wa fi sifati al-wajh wa fi sifati al-yad wa ma ashbahaha. Et on dit cela pour tous les attributs, que ce soit l'attribut du visage, l'attribut de la main, l'attribut de la descente, par exemple, on ne peut pas évaluer le comment de l'attribut. Ce n'est pas possible. Allah est plus grand et sera toujours au-dessus de ces évaluations humaines. Qala wa hadhihi al-wasmatu al-qasima. فأي كيفية تقدرها فأنت كاذب. Regardez ce qu'il dit. Il dit, quelle que soit l'évaluation que tu donneras au sujet du comment, tu seras menteur dans cela. Tu seras menteur dans cela. لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِذَلِكَ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as aucune connaissance de cela. Tu n'as pas la connaissance du comment, de l'attribut divin. Donc, si tu essaies d'évaluer, de donner des évaluations de, au niveau du comment, de le kayfiyya, en fait, tu ne peux que être menteur dans cela. Parce que Allah Azzawajal ne t'a pas informé au sujet du comment de son attribut. Tu ne sais pas, et nous ne savons pas. Rien ne lui est semblable, subhanahu wa ta'ala. Hatta sifat al-kalam. Regardez, il va nous donner l'exemple. Il dit même l'attribut de la parole. Est-ce qu'une personne peut évaluer le comment de l'attribut sifat al-kalam, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez ce qu'il dit. Non. Regardez ce qu'il dit. La naqdir an na'rifa kayf yatakallam. Par exemple, on ne peut pas savoir comment Allah Azzawajal parle. Pourtant, Allah a l'attribut de la parole. Les preuves sont nombreuses, car Allah Azzawajal détient l'attribut de la parole. Il parle. Mais, kayfiyatul kalam, comment Allah Azzawajal parle? On ne peut pas estimer cela. On ne peut pas, dans le sens, évaluer cela. Bien sûr, il faille estimer Allah Azzawajal à sa juste valeur. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِي. Allah blâme ceux qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Mais comment évaluer le comment? On ne peut pas l'évaluer puisqu'on n'en a pas la connaissance. Il dit وَإِن كُنَّ نَعْرِفُ مِنْهُ سُبْحَانَا أَنَّهُ تَكَلَّمَ كَذَا أَوْ بِكَذَا وَنَعْرِفُ الْمُتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَإِن كُنَّ نَعْرِفُ مِنْهُ سُبْحَانَا أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِكَذَا. Même si on sait qu'Allah Azza wa Jal, il a parlé par exemple, sur telle chose, il a dit telle chose. On connaît la parole d'Allah Azza wa Jal et sur quoi Allah Azza wa Jal a parlé, par exemple. وَنَعْرِفُ الْمُتَكَلَّمَ بِهِ. On connaît sa parole. وَأَنَّهُ بِحَرْفٍ يُكْتَبْ وَيُسْمَعْ بِحُرُوفٍ مُتَتَالِيَّ. Même si on sait que la parole d'Allah Azza wa Jal aussi sont des lettres qui peuvent s'écrire, puisque le Coran a été écrit. Il y a des lettres, il y a des lettres. Et c'est une parole aussi qui s'entend, des lettres qui s'entendent, puisque des prophètes ont entendu, comme Moussa alayhi salam a entendu Allah Azza wa Jal. Donc c'est aussi parole qui s'entend. Ça, on le sait. لَكِنْ كَيْفْ تَكَلَّمَا أَوْ كَيْفْ صَوْتُهُ بِالْكَلَامِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ. Mais comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle? Et comment est la voix? Allahu A'lam, ça on n'a pas la connaissance. Le comment, on ne sait pas. وَلَا نَسْتَطِعُ ذَلِكَ. Il dit, et on ne peut pas le concevoir. On n'a pas la capacité. On ne peut pas concevoir cela. Et il dit à titre d'exemple, regarde par exemple les oiseaux. Tajidha tantiq wal insanu yantiq. Les oiseaux par exemple peuvent émettre des sons. On voit que les oiseaux, ils émettent des sons, ils parlent. On voit que l'être humain aussi, il émet des sons, il parle. L'être humain. Mais on voit laysa nutquhuma sawa'an. Mais leur prononciation n'est pas la même. Les oiseaux, ils ont une manière de s'exprimer, les hommes ont une manière de s'exprimer. Ce n'est pas la même. Laysa kullu wahidin ya'rifu mantiq at-tayr. Et c'est pas tout le monde qui connaît le sens de l'expression des oiseaux. Les gens ne connaissent pas le sens, c'est pas tout le monde qui connaît le sens de l'expression des oiseaux. Bal innaka antal arabiyyu tatakallam wal ajamiyyu yatakallam. Comme par exemple celui qui est arabophone, l'arabe parle et le non arabe parle. Donc ils ont une parole. Wa qala, et il dit hal kayfiyatu أدائك للحروف ككيفية أدائه للحروف. Il dit lorsque une personne arabophone parle l'arabe, une autre personne non arabophone parle sa langue, est-ce que le comment de ces lettres est la même? Non, c'est différent. C'est des lettres différentes, c'est une langue différente. وأعني, et donc il dit, c'est pas la même chose. Les lettres sont différentes et donc la parole est différente. وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي. Et lorsqu'il dit les étrangers, c'est ceux qui ne sont pas arabes, par exemple, ceux qui ne sont pas arabes. وأما عجم الفارس, par contre, il parle de ceux qui n'étaient pas arabes mais perses. Certains parmi eux, فإن حروفهم حروف عربي. Ça, c'est différent puisque leurs lettres, même s'ils parlaient pas arabe, ils avaient des lettres arabes. لكن تختلف في الترتيب, mais elles diffèrent dans la classification et l'ordre. En ce qui concerne l'évaluation, donc vous avez vu, on ne peut pas évaluer le comment de l'attribut d'Allah Azza wa Jal. En ce qui concerne l'évaluation, Biljanan, il dit, ni l'évaluation par le cœur, ni l'évaluation par la langue, ni l'évaluation par l'écrit. Par le cœur, c'est-à-dire, يعني لا تقدر بنفسك كيفية صفات الله كما تقدر كيفية ذاته. Il dit, même dans ton cœur, tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas avoir la connaissance du comment de l'attribut d'Allah comme tu n'as pas la connaissance du comment de son être, subhanahu wa ta'ala. Wala an tatakhayyalaha fi dhihnik. Et donc il dit, dans ton imagination, tu ne peux pas t'imaginer cela. Tu ne peux pas t'imaginer le comment. Pourquoi ? Parce que tu n'a pas la connaissance, tu ne peux pas évaluer le comment. Donc ton imagination, tu ne peux pas savoir le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ فَسَيَكُونُ فِي نَفْسِكَ التَّمْثِيلِ. Pourquoi? Parce que si tu essayes d'évaluer le comment en toi-même, tu vas tomber dans ce qu'on appelle le premier interdit qu'on a mentionné au début de la règle, التَّمْثِيلِ. Tu vas tomber dans التَّمْثِيلِ, la comparaison. Tu vas faire de la comparaison. Pourquoi ? Parce que pour évaluer le comment, tu as besoin d'un modèle, d'un semblable. Sinon, quelque chose dont l'esprit n'a pas la connaissance d'un semblable, d'un égal. Une chose que tu n'as jamais vue. Tu ne peux pas te la concevoir. Tu ne peux pas. Donc, celui qui essaye d'évaluer le comment et de spéculer, de s'imaginer le comment, il va tomber dans un temthil, dans de la comparaison. Il va comparer le Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est très pertinent ce que me dit l'auteur. وَرُبَّمَا تَصِلُ وَلَيَّذُ بِاللَّهِ إِلَىٰ إِنْكَارِ الْخَالِقَ عَزَّ وَجَلْ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ دَعْ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ وَلَا تُقَدِّرْهَا بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطَرٌ عَلَى دِينِكَ. Regardez ce qu'il va dire, comprenez bien ce qu'il va dire. Il va dire, et peut-être si tu essayes de pénétrer dans ces domaines-là, de chercher le comment de l'attribut divin, donc si tu t'imagines le comment de l'attribut divin, tu vas sombrer et tomber dans ce qu'on appelle « at-temthil », et si tu tombes dans la comparaison, en faisant de la ressemblance, et de la comparaison, alors il dit, voilà, yadou billah, qu'Allah préserve de cela, cela peut te mener jusqu'à inkar al-khaliq, ça peut te mener jusqu'à la mauvaise croyance au sujet du Créateur, et désapprouver, nier l'existence ensuite du Créateur. Spéculer dans ce domaine-là, ensuite ça peut te mener, il dit, vers nier la négation et le reniement de l'existence du Créateur. Il dit « Aslim taslam »« Mets-toi à l'abri, tu seras sauvé, tu seras à l'abri. » Et il dit « Da hadhi taqdirat » et délaisse ces évaluations-là. « La tuqaddirha » et n'essaye pas de t'imaginer d'évaluer, quel que soit le degré d'évaluation. N'essaye pas d'évaluer l'attribut du Créateur, subhanahu wa ta'ala, car c'est un immense, il dit, danger pour ta religion. n'essaye pas de t'imaginer comment est le Créateur. Tu ne peux pas savoir. Allah ne nous a pas informé au sujet de cela, du comment des attributs. Par contre, il nous a informé qu'Allah Azzawajal est l'audient, il entend tout. Qu'Allah est le clairvoyant, Allah voit tout, subhanahu wa ta'ala. Allah est l'alim, il a la science infinie, l'omniscient. Allah, il s'est élevé et établi au-dessus de son trône. Lahu sifatul wajh, il a l'attribut du visage, des mains, l'attribut de la descente, et tous ces attributs dont il nous a informés. Par contre, le comment ne sait pas. Et là, ce qui est très pertinent, c'est que là, Cheikh, il va nous mentionner justement l'exemple. L'exemple de l'imam Malik, le célèbre exemple. Et il va nous l'expliquer d'une manière très, très instructive et pertinente. Regardez le athar de l'imam Malik qu'il va mentionner. « وَلِهَادَ لَمَّ سُوِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى » Et dit de ce fait, lorsque l'imam Malik fut interrogé au sujet du verset, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Un homme est venu et lui a dit, « Ya imam, comment Allah s'est-il élevé au-dessus de son trône ?» فَأَطْرَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِرَأْسِهِ حَتَّ عَلَاهُ الرُّحَضَاءُ يعني الْعَرَقُ ثُمَّ قَالَ الْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Là maintenant, il dit ensuite la réponse, il mentionne la réponse de l'imam Malik. Cette réponse de l'imam Malik, lorsqu'il a rapporté que l'imam Malik ensuite est devenu rouge, il a commencé à transpirer à l'écoute de cette question et il a dit à cet homme, Al-Istiwa n'est pas connu, c'est-à-dire son comment. Ou plutôt, Al-Istiwa n'est pas inconnu, c'est-à-dire le sens, Al-Istiwa n'est pas inconnu. Le comment n'est pas concevable. La croyance en celui-ci est une obligation et la Su'el et la question en celui-ci ou en ce qui concerne celui-ci, est une innovation. Cheikh, il va nous l'expliquer, revenons aux commentaires. Regardez, il y a des enseignements sur ce athar qui sont très importants. Pour commencer, Cheikh, dans l'explication, il dit « Malikun huwa ibn Anas » L'imam Malik, il s'appelait le fils de Anas. Malik ibn Anas, le fils de Anas. « Al-imam al-mashhur » C'était le célèbre grand imam qui était surnommé l'imam de la demeure de l'émigration puisqu'il était à Médine, c'était le grand imam de Médine. Alors, dans ce athar, dans cette histoire, c'est un homme qui est venu interroger Rajulun min an-nas, un homme à l'époque, interroger l'imam Malik au sujet du verset Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Kayfa istawa? Donc cet homme il dit à l'imam Malik, mais comment Allah s'est-il, le tout miséricordieux, établi au-dessus de son trône ? Hadha ar-rajulu yuhtamal. Cet homme-là, il y a différentes probabilités. Sur cet homme, en ce qui concerne son intention, il y a différentes probabilités. Soit cet homme, sa question, c'est une question de désaveu. C'est une question de désaveu. Il me pose une question, pas forcément pour apprendre, pour poser la question, mais parfois on pose une question pour désavouer une chose. Soit li anna min an-nas man yunkiru al-istiwa. Pourquoi? Parce que à l'époque déjà, il y avait des gens qui mécroyaient et désapprouvaient l'attribut de, ils reniaient l'attribut de l'istiwa. Donc peut-être il pose la question, cette question sur l'istiwa, pour venir à la négation. Comment Allah s'est-il établi? Peut-être que lui pose la question ensuite pour aboutir à la négation de l'attribut. Donc si c'est le cas, on appelle ça istifham. Istifhamu hadha istifhamu munkir. Istifhamu munkir. Donc c'est l'interrogation d'un, on va dire, soit d'un négateur, d'une personne qui désavoue. Voyeur tamal, ou bien la supposition probabilité, anna su'alahu hadha su'alu tahaddin. Ou bien la probabilité que cette question-là, en fait, c'est une question où il y a une sorte de défi. Une question liée à un défi. En arabe, at-tahaddi, c'est lorsqu'on défie, on émet un défi. Un défi كأنه يقول إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فأثبته بالكيفية. Quel défi pourrait donner l'homme ? Si on dit la probabilité, c'est une question liée à un défi. Quel défi serait ? Le défi serait que sa question serait de la sorte : si tu affirmes l'attribut de l'istiwa, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal et de son établissement sur son trône, alors affirme le comment de celui-ci. Et donc, c'est comme un défi. Si tu affirmes l'attribut en lui-même, alors affirme le comment de celui-ci. Et donc cela, ça serait considéré comme une question défi. Vous comprenez ? إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فاثبت بالكيفية. Comme une personne viendra vous dire, si tu affirmes, tu confirmes l'attribut de l'istiwa, confirme alors le comment, et te poserai la question. Ou bien, يحتمل, ou bien, il y a probabilité que cet homme, cette question, c'était vraiment une question d'orientation, c'est-à-dire il voulait être orienté. C'est vraiment une question où il cherche vraiment une réponse et la bonne orientation, et il pose la question au shir. Et lui pensait donc que ces sortes de questions étaient permises. Que c'est une question qui est permise. À la base, comme on l'a appris précédemment, on n'a pas droit de se poser le comment, la question du comment. Donc, il y a plus forte raison de poser la question. Donc, on ne peut pas demander à un savant comment est tel attribut. C'est une question qu'on ne peut pas poser. Mais lui, dans ce cas-là, il y a probabilité qu'il ne savait pas. Il pensait que c'était une question permise, alors il pose la question pour être bien orienté, avoir une réponse. Toutes ces probabilités, elles sont censées. Elles sont possibles. Ces probabilités, elles sont possibles. Lakin al-imam malikan. Mais l'imam malik, lui, malgré cela, comme il est dit dans l'histoire, lorsque cet homme lui a poser la question, alors il baissa la tête jusqu'à ce que la sueur apparaisse sur son visage. Malgré ces probabilités différentes, lorsque la question lui a été posée, il baissa la tête jusqu'à ce que la sueur apparaissa sur son visage. قال حتى علاه الرحضاء أي على جسمه العرق وصار يتصبب عرقا والظاهر والله أعلم أنه حصل له ذلك لأن السؤال عظيم. Pourquoi l'imam Malik a commencé à transpirer sur cela? Cheikh, il dit pourquoi? Parce que la question, elle est tellement immense. La question, elle est tellement grande. Regardez, il dit لأن السؤال عظيم. أَمِثْلَ مَالِكٍ يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَةِ اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et c'est comme si, regardez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, est-ce que un homme comme l'imam Malik, un être serviteur, esclave du créateur, est interrogé, donc ça c'est mes mots, hein. Lui il dit littéralement, est-ce qu'un homme comme l'imam Malik, mais c'est pour qu'on comprenne ce que veut dire Cheikh, un homme, un serviteur, un esclave du créateur, peut être interrogé au sujet du comment de son istiwa. Est-ce qu'un être, une créature d'Allah Azza wa Jal, peut être interrogé au sujet du comment de l'istiwa? Pour l'imam, la question, elle était « azim jiddan ». Pour cela, il a commencé à transpirer. « Ou ayu insan ». Donc, quelle est la personne qui peut être interrogée au sujet du comment de l'attribut? Personne. « Walidha » Et pour cela, il est rapporté qu'il a vraiment transpiré. Cette question l'a fait transpirer. Vous rendez compte ? La question de cet homme, lorsqu'il a dit à l'imam Malik, comment le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, l'imam Malik, ça l'a fait transpirer, cette question-là. Donc il a baissé la tête jusqu'à ce que la transpiration apparaisse sur son visage. Ensuite, il a levé la tête. Waqala. Et c'est là que il lui a répondu en relevant sa tête, Al-Istiwa n'est pas inconnu. Al-Istiwa n'est pas inconnu. Et là, Cheikh, il va nous expliquer en détail la parole de l'imam Malik. فإن قيل ما الجواب عما نقله صاحب لمعة الاعتقاد عن الإمام أحمد في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث قال رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى الجواب أن نقول مراد الإمام أحمد رحمه الله المعنى الذي سلكه المعتزلة قال مراد الإمام أحمد المعنى الذي سلكه المعتزلة الجواب أن نقول مراد الإمام أحمد رحمهم الله المعنى الذي سلكه المعتزلة قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أراد المعنى المبتدع الذي ابتدعه المعتزلة أشباههم وأشباههم والكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل لأن العقل لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية وإذا كان لا يدرك بالعقل فإنه يدرك بطريق النقل ولا ينقل بطريق النقل ولا ينقل وكلام الإمام مالك رحمه الله لما قال غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل فنحتاج إلى نقل ولا نقل في هذا والإيمان به واجب الإيمان به أي الاستواء بالاستواء واجب على المعنى المعلوم الذي قال إنه غير مجهول لأن الله تعالى أخبر به نفسه وتلاه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقره إذن هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أي إجماع الصحابة فوجب الإيمان به ولو قال لك قائل كيف تقول إنه قد جاءت به السنة وهو في القرآن فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن ونطق به مؤمنا به ومصدقا به ومقرا به وإن كان أهل العلم رحمهم الله قد اصطلحوا على أن الشيء إذا كان ثابتا بالقرآن لا يقولون إنه ثابت بالسنة لأن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة إذ إن السنة مهما بلغت في طرقها أو في طرقها لن تبلغ مرتبة القرآن فلهذا كانوا لا يقولون إن هذا ثبت بالكتاب والسنة فما دام أنه في القرآن فهو في القرآن أرأيت لو أن الحديث رواه البخاري ورواه ابن ماجه وأردت أن تخرجه فإنه مما لا شك فيه أنك تقول رواه البخاري وينتقد الرجل من علماء المصطلح وهو جدير بالاعتقاد وهو جدير بالانتقاد لو خرج حديثا أو ساق حديثا لاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري يذكر ابن ماجه ويسكت عن البخاري لأنك تريد أن تثبت الحديث لتستدل به فهل تسلك الطريق الأضعف وتترك الأقوى؟ لا وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله إن أفراد ابن ماجه رحمه الله كلها ضعيفة يعني من فرد به ابن ماجه وخرجه من بين الكتب الستة فهو في الغالب ضعيف وأما إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه لم يرد عن أحد منهم حرف واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه يعني استولى عليه ونحن هنا نقول لكل واحد عنده علم بذلك فليتفضل به فليتفضل به فنحن له شاكرون على أننا لا نقبله ولو كان من صحابي لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الآخرين وإجماع الصحابة الآخرين فقوله إذن الإيمان به واجب لأنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيفية بدعة وذلك لسببين. Donc on a avancé dans l'explication, j'ai l'explication, il nous manquera de faire une traduction, de traduire cela. On va remettre cela demain, Inch'Allah. Demain on commencera directement sur la traduction de de ce passage. Là, l'auteur va nous expliquer maintenant en détail, enfin, de manière brève aussi, la parole de l'imam Malik. Lorsque l'imam Malik a répondu à l'istiwa, il n'est pas inconnu, c'est-à-dire son sens est connu, mais le comment est inconnu, la croyance en celui-ci est une obligation et l'interrogation en celui-ci est une innovation. Il va bien nous expliquer cela. On remet, puisque ça demande une assise, Inch'Allah, pour bien comprendre le hasard, avec certains enseignements bénéfiques que va donner l'auteur dans l'explication de ce hasard très bénéfique. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.